À l'occasion du 22e anniversaire du décès du président Kim Il-sung, le journal congolais Le Patriote, en date du 20, a inséré le résumé détaillé du rapport d'activité du comité central du Parti du Travail de Corée, prononcé par le maréchal Kim Jong-un au 7e congrès. Le journal a présenté la photo du maréchal Kim Jong-un qui prononce le rapport.